les sacs. On se taille dans l'ordre sur les bottes. La guerre, la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi la guerre? La guerre, la guerre. C'est comme si c'était mon frère. La guerre, la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi la guerre? La guerre, la guerre. C'est comme si c'était mon frère. La guerre, moi ça me rend amoureux. Et puis ça me réveille de la queue. Mais si jamais j'ai trop abusé, y'a rien à faire, elle veut plus m'en donner. La guerre, la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi la guerre? La guerre, la guerre. Et en plus pour mon avant-dernière, avant qu'on me rende dans ma dernière, je vais recevoir l'extrême onction, un grand coup de maté de houblon. La guerre, la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi la guerre? La guerre, la guerre. C'est comme si c'était mon frère. La guerre, la guerre. Mais qu'est-ce qu'elle.